We're gonna skate to one song, one song only. Grande la galère, maman Morsize, this is CRM. Cliquez, cliquez, cliquez, bande de salopes. Cliquez, cliquez, cliquez, bande de salopes. Cliquez, cliquez, cliquez, bande de salopes. On baisse ta go. On baisse ta, on baisse ta, on baisse ta, on baisse ta, on baisse ta go. On baisse ta, on baisse ta, on baisse ta go. Cliquez, cliquez. Cliquez bande de salopes, cliquez, cliquez, cliquez bande de salopes, cliquez, cliquez, cliquez bande de salopes, cliquez, cliquez, cliquez bande de salopes, cliquez, cliquez, cliquez bande de salopes. On baisse ta go, on baisse ta, on baisse ta, on baisse ta go, on baisse ta, on baisse ta, on baisse ta go, on baisse ta, on baisse ta, on baisse ta go, on baisse ta, on baisse ta, on baisse ta. On baisse ta go.